بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 45، كان سكم حديث من كتاب الصلاة من باب المواقيت الصغيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروتهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن وما يعرفهن أحد من الغرس. والمروت أقصية معلومة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات أي ملتحفات، والغرس اختلاط ضوء أو ضياء الصبح بظلمة الليل. Donc Aïcha disait que, رضي الله عنها, le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait la salat du Fajr et que celle-ci était également accomplie en groupe par des femmes des croyantes qui sortaient justement enveloppées dans leurs vêtements, puis ensuite retournaient dans leur maison sans que personne ne les reconnaisse dans l'obscurité. Donc justement ce vêtement qui est Al-Marout, c'est un vêtement qui est de soie et qui est peut-être également de laine. Quelque chose d'épais qui couvre la femme entièrement, dans lequel elle s'enveloppait. Et le ghalas, c'est le moment où se mélange la lueur du matin avec celle de la nuit. Et c'est encore sombre. Et c'est encore un moment d'obscurité. طيب. قال فضيلة الشيخ ابن العثيمين راوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبق ترجمتها في الحديث رقم 3. Donc celui qui apporte le hadith, le rapporteur, c'est Aïcha, dont on a déjà parlé dans le troisième hadith de sa tarjama. يقول موضوع الحديث بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. Donc maintenant ça nous montre à quel moment le prophète صلى الله عليه وسلم accomplit la salat du Fajr, en décrivant la couleur du ciel de l'extérieur. يقول في الشرح الإجمالي, le sens global du hadith. تحدث عائشة رضي الله عنها مبينة متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. Donc Aïcha vient nous montrer là, dans ce hadith-là, à quel moment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le Fajr. فتؤكد أنه كان يصليها بغرس مبكرا. Et donc elle nous confirme qu'il a accomplissé lors de l'obscurité tôt. C'est-à-dire, dès que l'aube apparaissait, il faisait la salat. Donc l'extérieur était encore obscur. حتى إن النساء اللاتي يحضرن الصلاة معه يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروتهن ما يعرفهن أحد من الغرس لبقاء الظلام. Donc à tel point justement que les femmes qui faisaient la salat avec lui, à ce moment-là au Fajr, revenaient dans leur maison, enveloppées dans leurs vêtements, et que personne ne les reconnaissait. Pourquoi? Car il faisait encore sombre dans la rue. Donc on ne saurait le reconnaître. Juste des silhouettes. À Kaza, sans savoir à qui on a affaire, ce qui prouve qu'ils étaient très... Il était très sombre. D'accord? Que la lueur, il n'y avait pas de lueur du moins, et que l'extérieur était très sombre. Yaqul fi fawaid al-hadith. Maintenant, les enseignements utiles du hadith. Al-mubadara bi salat al-fajr fi awwal waqtiha. Qu'il faille se précipiter à faire la salat du fajr en son temps, dès le début, en premier temps. Jawaz hudur al-nisa fi salat al-fajr ma al-jama'a bi shart amn al-fitna. Qu'il est permis aux femmes d'assister à cette salat en groupe, à condition que cela n'amène pas à des fitnas, à des tentations pour les hommes. D'ailleurs, dans le hadith de Aïcha, un autre hadith, elle disait « Lo adraka al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma alayhi al-Nisa, la mana'uhunna min al-Masjid, kama muni'at Nisa banu Israël. » Ou Nisa banu Israël. Elle a dit que si jamais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait vu ce que les femmes faisaient, c'est-à-dire à l'époque de Aïcha, il leur aurait interdit de venir au Masjid comme les femmes des Bani Israël. Cela leur était interdit également. Ce qui prouve que lorsque les femmes vont au masjid, cela doit se faire de façon discrète, sans fitna, sans se mélanger aux hommes, en étant habillées correctement. D'ailleurs, même si elles ne vont pas au masjid, quand elles sortent de chez elles, elles sont habillées correctement. Elles ne se mélangent pas aux hommes. Là, ce sont les shurut de la sortie de façon générale pour la femme. Et également parmi les conditions que son mari lui autorisait. Et bien évidemment, les hadiths sont venus pour montrer que استأذنت مراته أحد يكون من المسجد فلا يمنعها. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أمام الله مساجد الله. Aussi la femme de l'un d'entre vous demande la permission d'aller au musjid, qu'il n'interdise pas. Et il a dit de permettre aux servants d'Allah de se rendre aux maisons d'Allah. Donc à la base, c'est qu'il faut laisser la femme y aller. Sauf si on connaît, comme on a dit, une chose qui amènerait à un mal plus grand. Non. Thumakal, Mubadarat al-Nisa bil-Rujou ila biyutihinna fil-Ghalas. Et que par contre, les femmes, une fois qu'elles ont fait la salat, elles se précipitent à rentrer chez elles, elles se hâtent à rentrer chez elles, tant que l'obscurité est toujours présente, pour ne pas être reconnue, pour rester le plus discrète possible. La sunna, c'est que les hommes restent, eux, jusqu'au fajr, ils font du zikr, ils font du korat al-Qur'an, jusqu'à ce que le soleil se lève. Shuruk, comme on appelle le shuruk. Après là, ils peuvent faire 2 rakat ou 4 rakat, ou ils font leur vie. Et par contre, les femmes, elles reviennent dans leur foyer avant, tant qu'il fait encore sombre. رابعا أن المرأة إذا خرجت تتلفف بمرتها لأنه أستر لها. Et que la femme, lorsqu'elle sort de chez elle, justement, elle s'enveloppe dans son vêtement, car cela la recouvre mieux. Cela la cache mieux également. Et là, c'est, comme on l'a dit, c'est une condition de sortie générale, pas que pour aller au masjid. Lorsque la femme, elle sort de chez elle, elle s'habille correctement, elle se couvre complètement. D'accord ? On se recouvre complètement. Un vêtement qui se mélange à la masse. C'est-à-dire, si c'est un pays où les femmes sont habillées en noir, elles s'habillent en noir. Si c'est un pays où les femmes sont habillées de telle couleur, elles s'habillent de la couleur des gens du pays. Elle évite les choses qui attirent le regard par rapport aux autres. Akaza. Naam. Fabi d'accord, naktafi. Walhamdulillah bil alamin.